Chronique numéro 5. La musique, une force qui nous transforme. Bonjour à tous, aujourd'hui on ne va pas juste écouter de la musique, on va la décortiquer. On sait tous que la musique n'est pas qu'une mélodie, elle est ressentie. Elle vibre à travers notre corps, elle éveille nos émotions et transporte notre esprit vers des contrées lointaines. Mais comment expliquer cette connexion si profonde entre la musique, notre corps et notre esprit? La danse des vibrations du corps. Commençons par le physique. La musique, c'est avant tout une danse de vibrations. Les ondes sonores créent des vibrations qui se propagent en nous. On le ressent surtout avec les basses fréquences. Ces basses puissantes peuvent d'ailleurs devenir irritantes si elles sont trop fortes, car elles deviennent une intrusion physique difficile à ignorer. Exemple, la sono dans une voiture équipée enceinte fortement réglée en sub-basse, très basse fréquence, vers les 30 Hz. Le voisin qui écoute de la musique avec ses subwoofers, qui transperce les murs et qui nous agace. On sait que le rythme de la musique est un véritable métronome biologique qui influence directement notre rythme cardiaque, notre respiration et même notre tension artérielle. Une musique entraînante nous donne envie de bouger, de danser, de taper du pied. C'est par exemple cette synchronisation motrice qui permet d'ailleurs aux athlètes d'augmenter leur endurance en détournant l'attention de la fatigue sur le rythme d'une musique entraînante à 120 voire 140 BPM, battements par minute. Alors qu'une musique au tempo de 60 à 70 BPM, qui est plus près du rythme cardiaque, nous emmène plus au repos et encourage l'état de relaxation propice à la méditation. Ces mouvements sont une forme d'expression physique qui nous permettent de libérer des tensions. C'est pourquoi la musique est utilisée en musicothérapie pour améliorer la coordination et l'équilibre. Mais cela, nous en reparlerons lors d'une émission dans Didier & Co. Nous avons parlé du corps, parlons de l'esprit et du voyage neurologique. La musique ne s'arrête pas au niveau du cou, elle s'attaque au cerveau. Sans rentrer dans le scientifique, c'est un voyage émotionnel. La musique a un impact prouvé sur la réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression. Elle stimule la libération de molécules puissantes comme la dopamine, qui nous donne le plaisir et la récompense, et les endorphines, analgésique naturel qui aide au détournement de la douleur. Une mélodie familière peut nous transporter instantanément vers un moment précis de notre vie. C'est l'effet mémoire autobiographique où la musique ancre les souvenirs les plus vifs. C'est l'essence même de l'affirmation selon laquelle la musique est une machine à remonter le temps. L'écoute d'une mélodie familière nous catapulte dans le passé sans que nous ayons eu l'intention d'y penser. Le rappel de Proust, comme la madeleine trempée dans le café ou le thé. Un exemple lié à l'adolescence, premier flirt, souvenir personnel, ou en communauté un titre, une chanson qui passait en boucle à une époque, va nous mettre en mémoire ces instants. L'écoute et surtout la pratique active d'un instrument stimule notre cerveau, améliore la concentration, la mémoire et même les capacités d'apprentissage, y compris pour le langage chez l'enfant, en affûtant la perception du rythme. L'influence de la musique sur le nombre, sur la foule. La musique agit aussi sur nos comportements collectifs et individuels. Nous avons la cohésion sociale. Pensez aux rythmes nationaux et aux chants de supporters repris à l'unisson. Ils galvanisent. La musique est un puissant vecteur social. Elle crée un sentiment d'unité et renforce l'identité collective en synchronisant nos émotions et nos mouvements. Nous avons également la manipulation subtile, le marketing sensoriel, qui vise à influencer nos porte-monnaies. Dans les magasins, un tempo lent nous incite à flâner, à ralentir notre pas et à dépenser plus. Dans un restaurant gastronomique ou un magasin de produits de luxe, une musique dite classique va nous inciter à nous relaxer, à prendre plus de temps et vouloir consommer plus raffiné, donc plus cher. La mélodie d'une musique connue va être utilisée pour ancrer une publicité. A contrario, un son plus rock, plus rapide, voire au volume plus élevé, peut créer de l'urgence et nous pousser à consommer plus rapidement. C'est le cas dans les fast-foods. De même qu'un volume plus fort d'un coup peut nous obliger à nous reconcentrer et nous sortir de notre léthargique canapé. N'avez-vous jamais attrapé la zapette de votre télé lors de pages publicitaires ? Et que dire du débat entre le 440 et le 432 Hz ? Si le 440 est le standard technique depuis 1955, certains défendent le 432 Hz comme étant plus naturel et apaisant. Retenez que l'effet le plus puissant sur votre bien-être viendra toujours de l'émotion et de la qualité de la musique, bien plus que ces quelques Hz de différence. Là aussi, nous aurons l'occasion d'en reparler plus en profondeur. Le ressenti de la musique est une expérience profondément personnelle et subjective, c'est vrai. Mais en prenant conscience de cette connexion physique, émotionnelle et sociale, nous pouvons mieux apprécier la richesse de cette force puissante. La musique est bien plus qu'un simple divertissement. La musique est une thérapie, un outil de santé. La musique est un outil cognitif et éducatif. La musique est un ciment social et culturel. Alors, en avant la musique. C'était la chronique numéro 5, la musique, une force qui nous transforme. Retrouvez toutes ces informations dans En avant la musique, entre passion et business. Tout ce que vous devez savoir sur la scène, les cachets, les statuts, le guide pratique pour artistes, organisateurs et associations, un livre écrit par Didier Verchères.